J'ai froid aux mains qui suivent l'eau de peau. Il y a des gens qui vont se poser des questions. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, j'avais pas de...